lointaine, sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue. Sortant de derrière un poster, espérant que la vie ne fût aussi longue.